et très bien même. Turpitude d'une femme libre qui s'interdira toujours de sombrer dans l'auto-apitoiement, ses mémoires constituent un témoignage exceptionnel de l'Amérique au tournant du 20e siècle. La librairie Pantoute, une librairie indépendante à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour deux heures de bon rock progressif. Alors, on a beaucoup de nouveautés ce soir. Et on va débuter avec une formation. Si on a la chance que les événements le permettent, on va pouvoir les voir au festival Terra Incognita. Sintonia Distorta qui ont sorti leur nouvel album, c'est l'album A Piedi Nudi sul Arcobaleno. Ça c'est à pieds nus sur l'arc-en-ciel, c'est ce que ça veut dire. Et A Piedi Nudi sul Arcobaleno, Michel en avait fait jouer déjà deux extraits en primeur il y a quelques semaines. Alors là l'album est sorti officiellement, c'est leur deuxième album, sorti le 25 février. Et on aura la pièce Solo un sogno. Dimmi che ti basta, qui est la phrase du refrain. Dimmi che ti basta, vous allez la reconnaître et j'espère qu'on pourra les voir. C'est au Festival Terra Incognita là, qui s'est prévu pour le 15, 16 et 17 mai au Centre d'art La Chapelle. Et ça va être le 16 mai. En fait, c'est la première fois que Sintonia Distorta viendront au Canada. Et sur cet album-là, ben c'est assez rock là, rock progressif. Mais la part des flûtes, là, j'imagine que Fabio Zuffanti, comme vous le connaissez, qui est grand maître du rock progressif italien d'aujourd'hui, il les a aidés pour cet album-là. Fabio Zuffanti qui sera là avec la Maschera di Cera, qui est son groupe vraiment qui est inspiré de la musique du rock des années 70, rock progressif des années 70. Donc, la Maschera di Cera, ça sera le 17 mai. Il y aura également Quelque Lice Il Tuono, Head With Wings et Yes Project. Le samedi, il y a Annick Dutton qui présente d'ailleurs le vendredi un premier spectacle qui est basé sur Nucleus pour fêter l'anniversaire de Nucleus. Donc, ils sont de la Norvège. Il y a deux groupes de la Norvège, en fait, le vendredi, 35 Tapes, qui est une nouvelle formation, et Annick Dutton qui seront là. Également le samedi, Annick Dutton, Professor Tip Top. On aura une pièce de Professor Tip Top tantôt, la nouvelle pièce qui promet de l'album qui devrait paraître là au mois de mai. Alors, on y va en musique avec Sintonia Distorta, et ce sera suivi d'une formation de la République tchèque, Different Light. Ça vient de sortir, là. C'est en janvier, je pense que l'album est sorti. Binary Sons Part 1, Operant Condition, ça c'est le titre de l'album, Binary Sons, et on ira avec la pièce Amphibians de Different Light. Alors on y va tout de suite en musique avec ça, Sintonia Distorta et Different Light sur les ondes de CKRL. possedere il santo graal. Mani stetizzate, il petto non mi batte più, cuore in fila per l'eutanasia. Sorgente torri di sabbia, chi vi salverà? Tu invece dimmi che ti basta, tutto il resto passa. Forse quanto basta avere un sogno per la testa. Dimmi che ti basta, che nella vena pulsa, che scuote la tua testa e io ci crederò. Ti cullarono poi gli amici, labbra di una lei, storyboard di un domani che filmare poi, e tu mi chiedi in fondo che cos'hai. Quando quel niente di colpo svanire potrà, quel niente tutto, quel niente tutto, quel niente tutto in un attimo di passa. Forse quanto basta è avere un sogno per la testa. Dimmi che ti basta, che dai valore a questa realtà che ti circonda e qui davanti a te. so you'd rather play it safe. In a moment I'll be gone. City of angels, close again but yet so far, like the beating of your heart. City of strangers, you make me feel like I'm dancing in the summertime. You heard the songs I sing, the intro to my pantomime. We'll be right back. La formation Different Light tirée de Binary Sons, c'est leur nouvel album, leur quatrième album. Ils sont de la République tchèque et c'était la pièce Amphibians. Juste avant, on avait Sintonia Distorta de l'Italie, leur second album A Piedi Nudi sul Arcobaleno. C'était la pièce Solo un Sogno, Dimmi che ti basta. Alors, on y va maintenant en musique avec, comme je le disais, là, on parlait des spectacles, là, mais j'ose à peine les annoncer, les spectacles, parce que tout a été annulé en lien avec le coronavirus. Alors, même le spectacle là, de lancement de Red Sun qui avait lieu demain a été annulé. Ça va être déplacé en septembre, là, parce que Red Sun ne pourra pas non plus aller en Europe tel qu'il avait été annoncé. Tout est annulé partout. Alors, on y va en musique avec le nouvel album de Fish. Fish qui était le chanteur de Marillion, comme vous le connaissez certainement, et qui va présenter son ultime album, son dernier album. C'est ce qui est annoncé, l'album Weltschmerz. Et ben, y a une pièce là, qui vient d'être publiée, qu'on va écouter. La pièce Weltschmerz, là, qui est une version éditée pour la radio. Alors, on y va tout de suite avec ce qui va être le dernier Fish. Là. Ça, c'est supposé sortir, en fait, en juin. En 10 juillet, voilà. Le 10 juillet, sera son dernier album. Ça sera son 11e album en carrière. Weltschmerz, donc, de Fish. Please let me introduce myself. I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason or line. I've reached the conclusion. See you tomorrow. Ce mardi 17 mars dès 17h30 dans Sortie culturelle à la Korigane, on vous dévoile les porte-paroles et l'encan du Radiothon de CKRL, événement de financement qui se tiendra les 27, 28 et 29 mars. Pour tout savoir, rendez-vous le 17 mars 17h30 en direct à CKRL. Objectif, 47 000 $ pour les 47 ans de CKRL. C'est parce que tu aimes la radio. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour, soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. Alors, on est toujours à l'émission Terra Incognita et on va poursuivre avec la formation norvégienne Professor Tip Top qui vont faire un nouvel album cette année. Alors, on aura la pièce Erebus qui est une pièce en primeur là, qui va être sur ce nouvel album-là. Et également, on aura la formation Fren. J'ai découvert ça cette semaine. C'est une formation de la Pologne. C'est leur deuxième album. C'est instrumental. Vous pouvez voir ça sur Bandcamp. fren.bandcamp.com. Where do you want ghosts to reside? Et c'est vraiment intéressant, vous allez voir. On aura deux pièces dans l'émission ce soir, donc de Friend, le nouvel album. La pochette est super belle aussi, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé, instrumental, une belle réussite. On aura la pièce Surge et également on aura la formation Lazuli, une formation française que j'aime beaucoup depuis 2006 qu'on les fait jouer. C'est maintenant leur neuvième album, Le Fantastique Envol de Dieter Bohm. Et on aura la pièce Dieter Bohm, justement. Il est question dans ça aussi de l'homme volant, là, l'homme canon. Il y a une pièce qui est l'homme canon. J'ai hésité un peu, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, je pense que c'est un de leur bon album depuis, franchement, dans leur carrière. Le Fantastique Envol de Dieter Bohm. Donc, on y va avec Professor Tip Top, Fren de la Pologne et Lazuli de la France. Storms of war fill his mind. poitrine d'auditeur bombe, taille à départ des larmes. Une mélodie offre un baume au cœur et à l'âme. Une seule chanson l'enivre de joie et de bonheur. Quand la musique cesse de d'auditeur bombe, un oiseau en cage se heurte au sternum, cherche le passage. Dans la poitrine d'auditeur bombe, quelque chose à l'intérieur cherche une bouffée d'hélium, un goût d'apesanteur. Dites-leur un peu ce mal. CKRL. Ici Jessica Leb. Ce mardi 17 mars dès 17h30 dans Sortie culturelle à la Korigane, on vous dévoile les porte-paroles et l'encan du Radiothon de CKRL, événement de financement qui se tiendra les 27, 28 et 29 mars. Pour tout savoir, rendez-vous le 17 mars 17h30 en direct à CKRL. Objectif, 47 000 $ pour les 47 ans de CKRL. C'est parce que tu aimes la radio. Oser, suivre ma passion, créer, prendre des risques, explorer, me métamorphoser, incarner, performer devant une salle remplie, la lumière directement sur moi pendant que je récite un monologue passionné. 3 ans de formation en art dramatique, encadré avec rigueur et doigté dans un espace de création riche et exaltant. Le Conservatoire d'art dramatique de Québec, admission jusqu'au 1er avril. Viens faire ton conservatoire. Avec Sentier Secret, j'aime installer une bulle paisible pour explorer cet espace de révélation que m'offre chaque auteur, compositeur, interprète ou musicien. C'est Suzy Turcotte qui vous donne rendez-vous chaque mardi à 13h30. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était du Danemark, le claviériste Lars Buttrops. Alors, c'est Lars Buttrops Music for Keyboards. C'est son 4e album. Celui-là s'intitule The Great Beyond. Ça vient de sortir. Alors, c'est comme ça tout le long, de la bonne musique électronique, là, assez entraînante, très exploratoire et quand même assez inspirée, franchement. Juste avant, c'était Lazuli de la France, leur plus récent album aussi paru il y a quelques semaines. Le fantastique Envol de Dieter Bohm, c'était la pièce Dieter Bohm. On avait Fren également de la Pologne, tiré de Where Do You Want Ghosts to Reside? Alors, on aura une autre pièce de cette formation-là un peu plus tard dans l'émission. On y va maintenant avec Aaron Celia. Aaron Celia, c'est un jeune de 18 ans du Royaume-Uni qui vient de réaliser ce premier album-là, l'album Meadows. Et franchement, là, c'est pour un premier album, puis un jeune comme ça, c'est vraiment intéressant. C'est une musique instrumentale, il y a de la belle guitare là, puis des belles ambiances, qui des bonnes explorations et compositions. Donc Aaron Celia, on ira avec la pièce Whatever Mama non, ça c'était Whatever Mama Said, c'est ce qu'on entendait de Lars Buttrop. Voilà, c'était le titre de la pièce que j'avais pas nommé encore. Non, celle-là plutôt, c'est Paratum Sekura de Aaron Celia. On aura également la formation, un deuxième extrait de la formation M Opus que je vous avais présenté à mon émission précédente, tiré de, ça c'est de l'Irlande, et M Opus c'est un album concept, Origins. On aura un second extrait de ça, donc la pièce Perfect Day for Flight. On a également la formation Red Sand de Québec qui devait présenter demain le spectacle de lancement de leur album Crush the Seed, mais là c'est reporté en lien avec le coronavirus. C'est leur 9e album, donc on aura la pièce Were They Born Like That de Red Sand. Mais tout d'abord, Aaron Celia. Thank you.

Canaveral. She says she's got a problem and no one else can help. Bring up your coffee, Miller. I need you sober. Yes, Mommy. There's me thinking I have been forgotten. Turns out they bugged a biotrace on me right after the accident. We all are the lucky ones. Technology's chosen ones. This is the era of the pioneering man. Mother of the window frame. Every passenger free from pain. This is a spaceport. You can sleep until you land. Seltzer and a Bloody Mary. But she can't breathe a word that's out of her hands. Well, that's okay, I think I figured it out. Just love to know what she's feeling behind those New York eyes. Slide open, we are expected or ushered inside by a spaceport official. He leads us to an observation deck with a beautiful view through impervious glass of Cape Canaveral and hundreds of ships. Some in takeoff or landing, some hold position in suspended silence, like bowler hat men in the Guizzo paintings. Thank you. shut them again. We'll be right back. ici Jessie Caleb. Ce mardi 17 mars dès 17h30 dans Sortie culturelle à la Korrigane, on vous dévoile les porte-paroles et l'encan du Radiothon de CKRL, événement de financement qui se tiendra les 27, 28 et 29 mars. Pour tout savoir, rendez-vous le 17 mars 17h30 en direct à CKRL. Objectif, 47 000 $ pour les 47 ans de CKRL. C'est parce que tu aimes la radio. Oser, suivre ma passion, créer, prendre des risques, explorer, me métamorphoser, incarner, performer devant une salle remplie, la lumière directement sur moi pendant que je récite un monologue passionné. 3 ans de formation en art dramatique, encadré avec rigueur et doigté dans un espace de création riche et exaltant. Le Conservatoire d'art dramatique de Québec, admission jusqu'au 1er avril. Viens faire ton conservatoire. Avec Sentier Secret, j'aime installer une bulle paisible pour explorer cet espace de révélation que m'offre chaque auteur, compositeur, interprète ou musicien. C'est Suzy Turcotte qui vous donne rendez-vous chaque mardi à 13h30. Et de retour à Terra Incognita, vous avez écouté la musique de la formation polonaise FREN, F-R-E-N, tirée de leur album qui vient tout juste de paraître, là, Where Do We Want Ghosts to Reside? C'était la pièce Goracha Linia. Juste avant, on avait eu la formation américaine tirée de leur album là, qui est paru l'an dernier, Moon Letters, tirée de Until They Feel the Sun, la pièce Beware de Finman. On y va maintenant en musique avec Red Sand. Je les ai annoncés tantôt, mais ils n'ont pas joué. Alors, tirée de Crush the Seed, un album qui va paraître bientôt. Leur 9e album en carrière. On y va avec la pièce Were They Born Like That. Et ce sera suivi de la formation russe, d'origine russe en fait, Lost World Band, tiré de Spheres Align, un album de 2019, la pièce Running in the Sun. Et pour faire la transition avec l'autoroute, puisque Stéphane Villeneuve sera avec vous à minuit pour les demandes spéciales et le rock des années 60 et 70, pour faire la transition, donc, Pierre Marlon's Gong, tiré de l'album de 1979, Downwind. Ça, c'est un album sur lequel il y avait eu des invités de marque. On peut le dire, Mike Oldfield était invité sur une pièce, sur la pièce titre également, Steve Winwood au clavier. Alors, la pièce Downwind, c'est vraiment excellent de Pierre Marlon's Gong. Il y a eu le 40e anniversaire de l'album. Là, ça a été annoncé sur la page Facebook de Terra Incognita. Là, la fin décembre dernier. Alors, on ira donc avec Pierre Marlon's Gong, mais tout d'abord Red Sand et The Lost World Band. Audio.